Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et c'est même meilleur puisque nous sommes jeudi soir 20h et vous avez pris maintenant vos habitudes. C'est l'émission 120 au compteur. Salut Sari, j'espère que vous allez bien avec l'équipe au complet. Et on va commencer par la plantureuse Marine. Bonsoir Marine. Plantureuse, bonsoir, ça va? Bah, tu sais pas ce que ça veut dire aussi plantureuse, non. Attention. C'est celle qui peut arriver tous les jours. Je sais pas comment je dois le prendre en fait. Tu le prends pas. Je suis une petite plante. On va dire ça. Alors Marine, évidemment, toi tu vas nous faire une petite chronique ou plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller voir une projection de Lorenzo Vanna. Oui, ouais. Donc je vais vous en parler. Ouais, t'as l'air contente hein, quand tu dis j'ai vu une projection de Lorenzo Vanna. Non, c'est parce que je suis fait mal. De Lorenzo Vanna, ouais. Et je vais vous en parler. Voilà, donc voilà. Deux courts-métrages, c'était ce dimanche-ci. C'est ça, au cinéma Moucron. Eh ben, tu vas nous en parler, bien évidemment. Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir l'Europe, bonsoir le monde, bonsoir moi. Ça va? Ouais, tu vas nous parler de Marrakech? Ça fait trois semaines qu'on en parle. L'Arlésienne de l'émission. Pour vous dire, j'y rechante au mois d'avril, donc on fera ça au mois d'avril. Ouais, d'accord, tu nous en parleras quand même. Un jour, évidemment. Si tu me lances le truc. En attendant, je ferai peut-être une chronique aussi. Oui, c'est bien, alors, chronique, sûr. Une chanson anglaise traduite, et vous allez essayer de la découvrir, et puis on va vous parler un peu de la genèse de cette chanson. C'est une grosse chanson. Hein. Ouais. Voilà, très très grosse. Ouais, faut pas qu'elle fasse 7 minutes aussi. Si, j'ai décidé avant décembre. En parlant de grosses chansons, nous sommes aussi avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai dit très grosses chansons. Ah, c'est ça. Comment ça va, Sherlock? Très bien, et toi? Bah bien, alors ce soir, évidemment, Cinoche, toujours Cinoche et toujours. Oui, Cinoche, effectivement. Ouais. Donc un film dans le rétro-ciné, donc de 1994, il me semble. Mais on le colle à chaque fois. Ça, 94, que... non, 94, c'est ça. Il sait qu'on va lui poser la question. Mais ouais, voilà, je sais pas qu'un jour tu notes avant la date de la chanson pour qu'on puisse savoir. Non, 94. Voilà, et ensuite, évidemment, tu nous parleras donc des sorties Cinoche d'hier. C'est ça, effectivement, je vais vous parler donc des sorties Belgique et France. Qui sont sortis hier, et j'ai préparé aussi un petit truc au cas où, si on a un peu de temps, les vrais noms des stars. Ah, pourquoi pas? Parce qu'il y a pas mal de stars qui ont des pseudos, ouais. Ce soit, alors j'ai pris dans le cinéma et dans la chanson, français, anglais, il y a des noms, on comprend pourquoi ils ont pris des pseudos en fait. Ah, on sait pourquoi tu t'appelles Sherlock. C'est ça. Et puis on va recevoir juste après la coupure pub musicale donc Philippe qui est ni plus ni moins que alors le boss. Le tenancier, on va dire, du Babylon Cabaret. Je vous en avais parlé ces dernières semaines, puisqu'il va y avoir un tremplin des talents qui aura lieu. Mais qui, de mieux que lui, pour nous en parler, eh bien, on va le recevoir juste après ça. Bonsoir Harry aussi. Hein. On l'oublie toujours, Harry. C'est vrai. En fait, j'ai dit bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, d'accord, tu m'appelles. Parce que tu vas pas répondre. Non, mais d'accord. Allez, on voit la musique. Elle a brûlé un petit feu. passés sont en retard quand sonne l'heure de leur départ, ou d'un sourire ou d'un regard. Yeah. Pierre sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et oui, donc c'était U2. Alors si je ne m'abuse avec Pride. Non, c'est pas ça. Ah bon, raté, c'est I still haven't found what I'm looking for. D'ailleurs, Marine connaît le titre par cœur. Oui, vas-y. Mon Dieu. I still haven't found looking for. Ouais, t'es sûr que j'ai j'en sais rien. Mais tu progresses en néerlandais. Hein. Ouais, t'as vu. C'est pas mal. Je prends des coups. Bon, alors, vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur, bien évidemment. Et puis, ben, on vous en avait parlé depuis quelques semaines maintenant d'un tremplin qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Et ça va avoir lieu donc au Babylone Cabaret, dont on parle de plus en plus, qui est ouvert depuis. Ah ben, on va demander à Philippe directement, depuis un an. Depuis le 1er décembre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à les alcooliques anonymes. Alors Philippe, je me suis pas trompé, tu es bien le patron, le boss du Babylone Cabaret. Voilà. Avec mon épouse. Avec ton épouse, donc voilà. Claudine, voilà, qui voilà. Tient ça d'une main de maître, qui s'occupe plutôt d'administration apparemment. C'est beaucoup plus. Oui, voilà. Et toi, donc de la communication. Communication et tout le management du cabaret. Alors, on va parler d'un événement qui s'appelle le tremplin des talents, mais avant toute chose, présente-nous un peu le Babylone Cabaret, puisque c'est un cabaret qui existe depuis un an, où il s'y passe plein de choses, notamment des spectacles, puisque c'est un cabaret comme son nom l'indique. Si tu pouvais nous présenter un peu l'univers du Babylone Cabaret. Alors, le cabaret, c'est justement, j'ai ouvert ce cabaret-là et j'ai voulu en faire quelque chose d'un peu différent des autres. Parce que forcément, quand on va dans un cabaret, en général, on a aussi parlé transformé. C'est beaucoup plus transformé. Parle bien près du micro. Hein, parce que... Il faut dire qu'il est grand. C'est un bon. Et nous, justement, ce qu'on a voulu créer, c'est un divertissement pour faire pêle-mêle pour un petit peu tout le monde. Ouais. Donc, on s'est permis de mettre des chanteurs, on met des magiciens, on met des hypnotiseurs. Ouais. Voir des mentalistes. Comment il s'appelle l'hypnotiseur déjà? Rickson qui m'a. Rickson, excellent. Ouais, il m'a bluffé lui. Hein. Ouais. Ouais. Et on finit forcément toujours par des transformistes parce qu'il faut les paillettes, les plumes. Ça reste le thème cabaret aussi. Hein. Et justement, nous, on a étalé ça en quatre parties. Comme ça, les gens, ils peuvent manger où ils mangent, où ils regardent le spectacle. Ils ont une première partie, hop, ils ont le plaisir de regarder. Première partie terminée, après on peut envoyer les plans. Et c'est à chaque fois comme ça, jusqu'à la quatrième partie. Et jusqu'à maintenant, justement, les gens nous félicitent parce qu'ils disent, bon, des fois on mange dans le noir, on doit manger en regardant le spectacle, que nous, il y a une coupure vraiment. Ouais, c'est bien. Voilà. Ouais, et il paraît que ça finit même à pas d'heure, puisque ça finit en soirée. Oui, alors le problème, c'est justement... Ah, c'est un problème. Non, mais... Il y en a qui mangent doucement. Non, le seul problème, c'est quand je suis un peu fatigué, mais bon, j'arrive à tenir parce que ça me plaît quand même. Bien sûr. Et quand le spectacle est terminé, justement, le spectacle est terminé, mais la soirée ne l'est pas. Parce que celui qui veut rester, qui veut tarder... Il y a toujours de la musique si des fois ça finit en petite soirée familiale. Ah, c'est sympa. Ah ouais, c'est combien de... Parce que le but, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire un petit peu quelque chose de convivial, familial, tu vois. On n'a pas voulu mettre les petits plats dans les gants pour faire trop chic. Ça reste un cabaret, certes, mais ce qu'on veut en premier, c'est que les gens se sentent bien. Et des fois, ils se sentent tellement bien que... Ils partent plus. Ça finit très tard. Combien de couverts, en gros? Le maximum de couverts, c'est 120. Ah oui, quand même. Ouais, belle surface. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on se fasse une coupure musicale et on continuera à parler, bien sûr, du Babylone Cabaret, surtout de l'endroit, puisque c'est à Moucron, hein, il faut le dire, à la Grand Rue. Et on va parler plus dans le détail donc du tremplin des talents qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Alors là, c'est vrai que je conseille à tout le monde de bien être à l'écoute parce que c'est quelque chose de fabuleux. Eh bien, ce sera juste après ça. Parle-t'en tout lui dire, parle-t'en tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle

Et on vient d'écouter George Michael, mm-hmm. donc qui n'est pas le frère de Frank Michael. Qui vient bien le sort des conneries, comment ça Tu sais, moi je suis très égoïste, je rigole mes blagues. Voilà. Oui, mais j'ai jamais entendu d'ailleurs d'autres personnes rigoler des tiennes. Ben ouais, là, c'est le... bah, voilà. Mais ça ne me dérange pas, tu vois. Cadenas, je te laisse la parole, hein, vas-y. Ah, mais si tu veux, donc toujours dans la mission 120 au compteur, et on allait parler, et tu allais nous parler du tremplin des talents. Tu ah, ben bah, c'est Philippe qui va nous en parler parce que c'est un bel événement. Alors, événement qui est créé à la base par Christian Lebon. Exact. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Christian Lebon, puisque c'est quand même peut-être connu sur Paris. Oui, c'est une grande personne quand même sur Paris. Et c'est une personne qui était toujours en contact avec Aznavour, Charles Trenet. Charles Trenet et bien d'autres aussi qui organisent aussi des tournées sur Paris avec d'autres chanteurs que je pourrais citer sans fin. Et justement, comme nous, on allait sur Paris avec ma fille pour chanter là-bas au Biz à Paris. Ah oui, le Biz. Voilà. Et ma Marie chantait ses chansons et après, hop, on remettait en route. Je remontais dans le Nord à chaque fois. Et le jour où il a appris qu'on avait ouvert un cabaret, et c'est là qu'on a pris contact et il m'a proposé éventuellement si on pourrait faire quelque chose ensemble. Oui, mais quoi ? Ben, son but à lui, c'était de remonter dans le Nord pour essayer de recruter des talents. Ouais. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le Nord, on a des talents. Absolument. Mais le problème qu'ils rencontrent, c'est justement pour se déplacer constamment sur Paris. Donc là, pour une fois, ils ont la chance que c'est Paris qui se déplace justement pour eux. Mmh. Donc si ils veulent se faire entendre, c'est l'occasion, c'est le moment unique. Voilà, d'autant plus qu'on peut le dire au passage, c'est qu'on a pu remarquer lors de ces tremplins des gens comme Jean Dujardin, comme Bruno Salomon. Voilà. Par exemple. Voilà, il faut le dire, c'est pas rien. Et donc ça va se passer au Babylone Cabaret, évidemment. Comment ça se passe exactement? Alors c'est qui déjà? Ce sont quel type d'artiste dans quel... Alors il y aura des auteurs en premier lieu, auteurs, compositeurs qui vont passer en premier. En second, ça sera des chanteurs, chanteurs bilingues, français, anglais. Donc interprètes là plutôt. Voilà. Ouais. Et après, en troisième partie, il y aura des artistes au style un peu peut-être magicien, jongleur ou autre. Ouais. Voilà, toujours. Pole danseuse. Pourquoi non, pas, pourquoi parce pas. Qu'on en connaît, donc ouais. Ça, mais, Non mais ça, je sais pas s'il y aurait de temps. Ah Marine. Ah oui, bon tout à fait. Non. Alors, oui, parce que citons aussi que toi, bah, parce que tu parles, mais tu es du monde de la musique aussi, puisque je t'ai connu un petit peu beaucoup, même parce que tu parlais de Marie tout à l'heure, mais en fait, on peut parler de l'association Élève ta voix, qui est quelque chose que tu as fait très très longtemps. Tu y es toujours ? J'y ai encore. Tu y es encore, d'accord. Une très très belle association qui lance déjà, c'est le même esprit, les jeunes talents, et il y a beaucoup de gens qui sont nés aussi, qui se sont lancés par rapport à Élève ta voix. Pour toi. Cadonne, jeune talent, c'est, oui, jeune talent. C'est terminé. Ça, alors, c'est aussi encore une motivation pourquoi le tremplin des talents, parce que justement, quand j'ai créé cette association qui est Élève ta voix, on a eu un petit peu de mal à essayer de trouver des contrats un petit peu à droite à gauche pour faire chanter les artistes. Et je sais que c'est pas évident. Donc justement, moi aujourd'hui, j'ai une possibilité de pouvoir le faire pour d'autres. Alors si je peux donner un petit coup de pouce. Il y a le côté altruiste, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Et alors donc, rappelle-nous un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs étapes. Donc la première étape déjà pour le tremplin des talents, c'est une présélection. Il y a la présélection qui va se faire le matin à 10h. Donc quelle date? Le 16. Le 16 décembre. Le 16 décembre. Ouais. À 10h, il y aura une présélection. La présélection terminée, quand ils vont quand même aller déjeuner, hein, parce qu'ils seront venus déjà, ils seront levés très tôt, le concours va commencer à partir de 15h30. Mm-hmm. 15h30, là c'est parti pour le concours, pour justement pour les sélections. Bon, eh bien, on en reparlera juste oui, après on des guérins. Le jury, comment ça se passe, etc. Parce qu'il y a des auditeurs qui peuvent être intéressés, puisqu'il y a beaucoup de chanteurs. Je voyais aussi, tu citais pas, il y a des musiciens. Donc un musicien peut venir en solo. En fait, voilà, pas forcément voilà, chanteur ou tout ça. D'accord. Donc Sherlock, tu pourras venir avec ton casou. Voilà. Ah, tu peux venir au casou. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas nécessaire. Bon, on se retrouve tout de suite après ça. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Alors moi, j'adore Britney Spears. Bah c'est pas elle, c'est Christina Aguilera. On en parlait justement. Il y a un petit air quand même, non ? Oui, bah c'était au même à la même époque et elles ont été toutes les deux dans le Disney Club américain, je crois. Ah oui, c'est vrai. Un peu labour à un moment. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, on va redevenir sérieux puisque nous sommes toujours d'ailleurs avec Philippe donc du Babylon Cabaret pour le tremplin donc des talents. Donc on parlait de la présélection qui a lieu donc le 16 décembre à 10h. Voilà. Donc c'est tout type on va dire de talent hein, puisque c'est à la fois interprète, compositeur, auteur, chanteur, magicien, jongleur, il y a de tout. Ça c'est la première étape. Alors quand on franchit la première étape à 15h, alors j'imagine que tout le monde n'est pas sélectionné pour 15h. Les présélections c'est le matin à 10h, ouais. Et après à partir de 15h le concours commence. D'accord, mais ça veut dire que ceux du matin ne sont pas forcément sélectionnés pour tous. Ceux de l'après-midi. Non, pas tous. D'accord, voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc à 15h, que se passe-t-il ? À 15h, le spectacle démarre. Les meilleurs les jurys qui vont sembler être bons, ils vont les recruter. Ouais. Justement pour passer à l'étape suivante, le 3 février. Et alors, le 3 février, ça se passe où ? Le 3 février, c'est... À l'Artichaut ? À l'Artichaut, voilà. Voilà, donc sur Paris. Vous voyez pas. Voilà, donc l'Artichaut... À l'Artichaut, ouais. Et là, on refait le même type de procédé. On reprend du matin à 10h, on fait des présélections. D'accord. Justement, pour qu'à la finale, qui va être le 7 février, là, tous les sélectionnés... Le 7 avril. Pardon, excuse-moi. Le 7 avril, j'en veux au février. Moi. Oui, mais c'est pas grave. Je dois avoir quelque chose de noté quelque part. Le 14 février, je crois que tu as quelque chose de noté. C'est les impôts. C'est Saint-Valentin. Et là, on prend tous les sélectionnés. Ouais. Et ça va être la finale. Alors, si j'ai bien compris. Ouais, pour résumer, voilà. Pour résumer, donc le 16 décembre, c'est la sélection donc régionale. Régionale. Et il s'en passe d'autres des sélections un peu partout en France. Voilà. Et vous vous rejoignez à Paris, à l'Artichaut, voilà. Où tous ceux qui ont été sélectionnés donc vont faire, là pour le coup, la demi-finale. La demi-finale. D'accord. Voilà. Donc en fait, le 16 décembre à 10h, c'est un casting général. Il va déjà avoir un vote qui fait qu'à 15h, des artistes se produisent à nouveau. Voilà. Et de là, il y aura un nouveau vote, en fait. Oui. Vous pourrez, pour élire, non, pour les demi-finales. Donc en fait, il y a deux votes le 16 décembre. Voilà. Et d'accord. Donc pour les demi-finales qui auront lieu donc le 3 février. Et ensuite, le 7 avril, il y aura la finale qui aura lieu donc dans une grande salle parisienne. Mm-hmm. Et ensuite, bah, le gain, c'est tout simplement de faire une tournée. Exact. En 2020. Voilà. J'ai tout compris. Il y avait une quatrième date, hein. La quatrième date, c'est la finale. Pour faire la c'est la finale. Donc le 3 février, c'est la tournée. C'est la tournée. Voilà. Et le 7 avril. Ouais. Le 7 avril, ce sera idem que le 3 février, à chaque fois. Et qu'on revient pas, que je ne me trompe pas encore une fois sur la date. Non, de toute façon. Ouais, on va produire l'affiche aussi et mettre les liens pour que les gens puissent. La radio, ça scène magique, c'est que tout le monde nous écoute, mais c'est pas évident forcément. Les gens nous écoutent avec des dates. Donc on mettra les choses précises et le déroulement sur la radio. Mais je crois que ça sera plus juste. Même, ils peuvent regarder sur le site du Babylon Cabaret. Oui. Ils vont retrouver éventuellement l'affiche et tous les commentaires qu'ils auront été faits pour les inscriptions. Donc en gros, si vous êtes musicien, chanteur, illusionniste, jeune créateur, danseur, humoriste, auteur, compositeur ou interprète, donc le 16 décembre à Moucron, il faut que vous vous pointiez, mais avant ça, il faudra vous inscrire, on vous donnera le numéro à 10h du matin, et puis vous jouez le show comme Jean Dujardin qui a fait ça un jour et qui a été repéré. Voilà. Et tous les lundis, entre 18h et 20h, justement, ils peuvent téléphoner pour les inscriptions. D'accord. Ils peuvent téléphoner à quel numéro ? Le numéro, je l'ai pas sûr. On le donnera juste après. On le donnera après. Il est sur l'affiche. Alors. 033 06 60 20 17 11. On vous le redonnera tout à l'heure. Hein, mais je crois que c'est le mieux, c'est sur le site du cabaret aussi. Je suppose qu'on peut laisser un message et que quelqu'un gère. Oui, de toute façon, tu restes avec toute l'émission, Philippe. Bien évidemment, on va en reparler, on va revenir dessus. On te fait une coupure musicale et on va retrouver juste après la sublime chronique. De Marine. Non, de Canon. Chacun deviendrait de la rue, la foi au premier qui spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. Et oui, Show Must Go On, le show doit continuer. Donc vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ouais. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est le mec en face. Voilà. On vient de recevoir un texto pour dire sortez-le. Voilà. Donc, alors, ça vous dit que je fasse ma chronique? C'est la crise. Non. Voilà. Alors, je vais vous parler d'une chanson traduite en français. Vous allez essayer de la deviner. Donc, on a beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la musique. Hein. Je vais vous en donner la traduction. Et puis, voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous l'avez déjà entendu, comme très souvent, ce genre de chanson avec des ritournelles en anglais. Mais on n'en comprend pas forcément le sens. Et là, je vais vous le livrer. Regardant à travers une fenêtre sale tout en bas les voitures foncées, je suis assis seul et je me demande pourquoi. C'est vendredi soir et tout le monde bouge. Je peux ressentir la frénésie mais elle s'apaise. Je pars à la recherche de tout ce qui bouge dans cette ville sale. En ville vont les jeunes, en ville les jeunes deviennent grands. C'est nous les enfants d'Amérique, tout le monde vit pour la musique non-stop. Des lumières brillantes, la musique va plus vite. Écoute mec, ne regarde pas ta montre plus de coup d'œil. Je ne pars pas maintenant chérie, pas la moindre chance. Les bons coups ne me créent aucun problème. Plus tard chérie, tu me diras, ne t'en fais pas. Tu sais que la vie est cruelle, la vie n'est jamais gentille. Les cœurs tendres ne vivent pas de nouvelles aventures. Les cœurs tendres ne s'emparent pas de la moindre gloire. C'est nous les enfants d'Amérique, tout le monde vit pour la musique non-stop. Viens plus près chérie, c'est mieux. Je veux vivre... Je parlais pas à toi, Sherlock. Hein. Ah, bon, je veux merde. Vivre une toute nouvelle aventure, je me sens bien. Oh, n'essaie pas de m'arrêter, baby, serre-moi fort. C'est fort en français. Dehors. Un nouveau jour se lève et dehors, la banlieue s'étend partout. Je ne veux pas partir, bébé, de New York à la Californie orientale. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Je te préviens, c'est nous les enfants d'Amérique. Tout le monde vit pour la musique. Non, oui, stop. Grand oui. Corps malade. Grand corps malade en fait. Non, c'est Tim Wilde. Pardon ? C'est Kim Wilde. Absolument. Ah, Kids in America. Ouais, absolument. Kids in America. Tu connais alors, ouais, non. Mais non, j'ai reconnu tout à la fin quand tu as dit nous sommes les enfants d'Amérique. Oui. Bah, traduit comme ça, Kids in America. Alors, bah, il faut savoir que c'est une des chansons les plus connues de Kim Wilde. Hein, donc, voilà, bien sûr. Avec Cambodia, pour pas le citer aussi. Ça a été classé. Donc, elle a vendu, dites-moi, à peu près combien d'albums, Kim Wilde ? Plusieurs millions, j'imagine. Ah oui, plusieurs, ouais. 33 millions d'albums. Waouh. 33 millions. Elle a maintenant 68 ans, donc elle travaille dans l'horticulture. Elle a complètement changé. Voilà, elle est mariée avec un acteur qui a joué là dans Star Wars de Solo. C'est le capitaine au départ des gardes impériaux. En fait, il a un rôle dedans. Donc voilà, elle a deux enfants et elle a été dans le Guinness des records pour avoir réussi des transplantations. Alors, j'ai peut-être pas le bon terme d'arbres et tout ça. Et c'est ouais. Elle est d'accord. Oui, pas ni cardiaque ni pas de ça entre nous. Et donc voilà, elle va très bien. Elle a sorti un nouvel album. Là, elle était récemment sur C8 pour se produire. Et elle a vraiment changé physiquement, mais voilà, elle a quand même. Mais ça reste une belle plante quand même. Ça reste une belle plante, voilà. Et elle chante toujours, par contre, de la même façon qu'avant, c'est-à-dire pas avec un micro. Avec un micro, et elle essaye d'y mettre beaucoup de passion. Voilà, alors moi je vous laisse avec ça. Je vous ai trouvé alors une chanteuse qui réinterprète Kim Wilde, vous savez, un petit peu à ma sauce, avec version un petit peu plus musclée. Et je vous ai trouvé Cambodia et en même temps Kids in America. Et après, on revient avec vos chroniques. Merci à tous. Salut. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat but it's soothing heading down. 107.9 FM. RLM. Oui, c'est toujours aussi bon. Alors c'est marrant parce que tu fais un geste et c'est toi qui as envie de parler en fait, Sherlock. Je sais pas trop, mais, oui, c'est vrai, mais c'est habituel en fait. Voilà. Donc, bien, Philippe, tu vas assister à une chronique que tu connais parce que c'est une chronique qui vient d'antan. Tu as déjà assisté à ce type de chronique, j'en suis persuadé. C'est la chronique Rétrociné 80. Non, parce que là, c'est voilà, dans l'antan en fait. T'imagines, ça fait 7 ans qu'on l'entend. C'est la même. Ouais, c'est ça en fait. Toujours le même film. C'est pour ça qu'on la connaît alors. Ouais, alors, c'est ça. Tu rappelles un peu le principe, Sherlock. Oui, donc cette semaine, j'ai regardé un film. Donc là, c'est de l'année 1994. Il a un cabaret en Belgique, hein, je te le dis au passage. Mais il y a des Français qui nous écoutent aussi. Hein. Donc je vais essayer de vous faire deviner ce film en vous donnant des petites indications. Alors, soit des extraits de dialogue, soit des musiques qu'on entend dans le film. Voilà, donc tout le monde peut participer, mais ne donnez pas la réponse, Philippe. Tu ne donnes pas la réponse. Tu nous donnes un autre indice qui peut nous mettre sur la piste. Voilà. Alors, donc le film est sorti le 9 mars 1994. Un mercredi. Oui, effectivement, c'était un mercredi. Et donc, le film est de Alain Berberian. Ah, celui-là. La musique est de Philippe Chany. Ah, oui. Ah, donc c'est un film français. Oui. Ah, ouais. Ah, déjà, ça peut vous mettre sur la voie. Allez, je vais donner quelques noms d'acteurs. Il y a Jean-Pierre Bacri, Daniel Gélin, Eddie Mitchell, Checky Cario par exemple. Oui. Je sais pas si c'est ça. Daniel Gélin et Eddie Mitchell. Non, c'est pas d'une pièce de théâtre. Oui. Oui, Daniel Gélin et Eddie Mitchell. Oui, je sais lequel. D'accord. Bon. Ok. Bon, alors, je vais vous passer... je vais vous dire que le film a quand même fait 2 279 194 entrées au box-office français. Ah ouais, c'est celui-là. Alors, c'est bien celui-là. Et donc, je vais vous passer une musique qu'on entend dans le film, c'est celle-ci. Oui, exact. Roy Orbison avec Oh Pretty Woman. Il y a O quand même. Oui, il y a O. Ah. C'est pas Pretty Woman le titre, hein. C'est Oh Pretty Woman. Alors, donc, là, je sens que je vous ai perdu avec ça. Alors, est-ce qu'il y a Agnès Jaoui dedans ? Pas du tout. Parce que quand il y a Bacri, souvent il y a Jaoui. Ah non, là, il n'y a pas Agnès Jaoui. Il y a. Canard, s'il te plaît, non. Pas de jeu de mots avec Jaoui. Je sens arriver. T'étais bien, j'ai Jaoui. Ouais, vas-y. Il y a Gérard Darmon. Ah, attention, il y a peut-être une. Eddie Mitchell, il n'était pas braqueur. Ah non, pas du tout. Ah, tu pensais à quoi ? Tu parles dans le film ou avant ? Qu'il soit chanteur. Tu pensais peut-être à la Totale ou quelque chose comme ça, non ? Ouais. Ah non, pas du tout. Ah non, oui, non, exact, non. La Totale, il a joué. Il y a Valérie Le Mercier qui joue dedans également. Ouais. Alors, je sais pas si. Gélin Le Mercier et Dimitri. Ouais. Ah, c'est assez hétéroclite. Voilà. T'as vu, placer le mot hétéroclite comme ça à la radio, facile. Bon, alors je vais vous passer un extrait de dialogue. Bon, je suis sûr que vous allez trouver dès que je vais passer cet extrait. Écoutez bien. Salut Tiffany, ça va ? Oh, dis donc, c'est joli, ça c'est quoi ? C'est du cachemire ? C'est du coton. Tiffany, je vais pas te prendre la tête avec ça, mais est-ce que je peux dormir chez toi ce soir ? J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte ? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Mais mon chien est mort, par contre. Alors, si je pouvais dormir chez toi, tu vois, juste pour avoir une présence, un compagnon, pour pas être seul. Ça fait 3 fois qu'il est mort, ton chien. Non, mais il a beaucoup souffert. Mais j'avais complètement oublié que Eddie Mitchell jouait dedans. Oui. J'étais étonné, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai vu, en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps. Moi aussi, bah, on l'a vu en même temps. Et Daniel Gélin aussi. Ah, bah, c'est ça. Il y a 2 semaines. Exactement. D'accord. Bon, ben, merci pour ta chronique. Bon, je donnerai un indice quand même, je peux en donner un. Vas-y. C'est, vous voulez un whisky, juste un doigt. Effectivement. Ouais, alors, attends, tu donnes limite le film en donnant ça, quoi. Ah, bah, oui, mais il y a tellement de, il y a des répliques tellement cultes. Ah, bah, justement, celle-ci, peut-être. C'est quand même étrange, ces lettres que laisse le tueur. O, D, I, maintenant L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Lido, peut-être une danseuse ? Tu me passes les tripes ? J'ai remarqué quelque chose à propos des meurtres. J'ai même une théorie là-dessus. Tu me passes le sucre ? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon ? quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Serial killer. C'est terrible. Ça, oui, effectivement, c'est l'une des répliques, je vais dire, cultes. Oui. Alors, forcément, tu parlais d'une réplique de celle-ci. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Effectivement. Et donc, on va se retrouver donc tout de suite après, parce que je suis sûr que vous avez trouvé le film. Après, glace 2. Je pense que c'est la chanson emblématique du film. La Carioca. Effectivement, la Carioca, allez. Danser la carioca, ce n'est pas un foxtrot ou une polka, ce n'est vraiment pas très compliqué, pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi. Dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut rire aux autres danses, au revoir. Donc tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi. Dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses, au revoir. Youhoupi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres le mot, au revoir. C'était donc la carioca chantée par Alain Chabat et Gérard Darmon. Ouais. Donc ça se passait pendant le festival de Cannes. Oui. C'est Odile Deray, qui est jouée par Chantal Lobby, qui est attachée de presse, qui vient au festival de Cannes pour présenter le film Red is Dead. Malheureusement, celui-ci est d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho. Mais lorsque les projectionnistes du long métrage en question meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances, Red is Dead bénéficie d'une incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé de protéger le nouveau projectionniste du film. Oui, qui est joué donc par Alain Chabat. Serge Karamazov, oui, effectivement, ouais. Il est joué par Alain Chabat. Simon Jérémy, donc, qui est l'acteur principal de Red is Dead, est joué par Dominique Farrugia. Je suis super content. Ah, ouais, c'est ça. Et, ouais, à chaque fois qu'il est super content, il vomit. Ouais, ouais. Alors, il faut savoir que les nuls, parce que c'est les nuls, et donc le film, c'est vrai, j'ai oublié de vous demander, quel est donc ce film, Philippe? Alors, c'est pas la jeunesse, donc la cité de la peur. Oui, effectivement, la cité de la peur. Donc le film de les nuls. Les nuls. Ça s'appelle comme ça. C'est le film de les nuls, une comédie familiale. C'est ça. C'est un long titre, hein, normalement. Donc les nuls proposent initialement la cité de la peur à Claude Berry, qui avait déjà côtoyé le groupe sur Canal+, mais celui-ci refuse, jugeant le film un peu débile. Finalement, le film est confié à Alain Berberian, qui réalisait déjà les clips des fausses publicités et les parodies des bandes annonces du trio comique. Ah oui. D'ailleurs, il y a des parodies de pubs dans le film. Hein. La Renault Safrane, une voiture qui allait bien à conduire. Dit la Renault Safrane. Safrane. Ouais. Alors, le générique de fin contient une multitude de clins d'œil. Donc, par exemple, les alias des super-héros américains Spider-Man et Batman, Peter Parker et Bruce Wayne, sont inscrits aux côtés de ceux des acteurs du film. Sont également cités et remerciés les acteurs qui ont accepté de mourir pour le film, comme Jake Icario, Jean-Pierre Bacri, Daniel Gélin et Eddie Mitchell. Le générique signale également la présence d'un certain Tom Cruise, C-R-O-U-Z-E, ouais, sur le tournage, mais qui aurait été coupé au montage. Valérie Lemercier, les gens ne le disent pas, le générique. Donc non, mais c'est pour dire que jusqu'au générique de fin, il y a des conneries. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a noté, Gérard Lanvin devait participer au film, mais on a été empêché par une blessure. Comme le précise avec humour le générique de fin, Gérard Lanvin coupé au tendon. Valérie Lemercier, donc, qui joue la veuve éplorée du premier projectionniste assassiné, donc Jake Icario, a un jour oublié de se rendre sur le tournage. Sa sœur Aude était stagiaire sur le film et l'a donc remplacée au pied levé. Cette doublure figure sur quelques plans du montage final. Le film a été tourné donc en juillet, en grande partie à Cannes, mais en dehors de la période festivalière. Il a donc fallu recréer l'ambiance du festival. Par exemple, pour les scènes tournées dans la salle des arcades, Alain Berberian a affirmé que plus de 800 figurants étaient présents. Les nuls ont aussi convié plusieurs invités de marque à faire une brève apparition lors de la scène de la sortie de la conférence de presse. On peut voir notamment Michel Hazanavicius, l'actrice Rosanna Arquette, Pierre Lescure, James Cameron, le journaliste Thomas Hughes et le chanteur Dave, qu'on voit, je pense, c'est à l'aéroport. Enfin, l'aéroport de Nice, pardon. Oui. La Cité de la Peur contient de nombreux clins d'œil à plusieurs films cultes, dont certaines scènes sont parodiées, comme Basic Instinct. Il y a Pretty Woman, donc on a entendu la musique. Oui. Point Break également. Le nom du personnage de Chantal Lobby, donc Odile Deray, est une référence à Gilles Deray, l'un des plus célèbres tueurs en série français. Ouais. Ah bon. Et enfin donc Jennifer Ayash, la fille de Chantal Lobby, qui est la chanteuse de Superbus, fait une apparition dans le film en passant devant Odile Deray lorsque celle-ci vient de se faire voler le contenu de son sac à la sortie du cinéma au début du film. Voilà. Eddie Mitchell, rappelle-nous, il faisait quoi là-dedans? Un projectionniste qui dit ça va trancher. Ah oui, exactement. Parce qu'ils disent tous ça va couper, ça va, et lui il se plante, il dit ça va trancher. D'accord. Voilà. Et ben, belle rétrospective sur ce film, sur la Cité de la Peur, oui, de 1994. À voir d'urgence, mais pas trop vite. Bon, on va continuer en musique. Oui. Allez, avec Just a Man et alors je sais pas, on fait un titre, deux titres. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est parti. Donc Just a Man avec I'm Sorry. feel like misunderstood. I never promised I don't want your love, no. Thank you. 107.9 FM. RLM. Et oui, toujours dans l'émission 120 au compteur, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Alors, vous l'avez entendu sur les ondes depuis plusieurs semaines maintenant. C'est un événement chez RLM. Eh bien, c'est la soirée, la RLM Private Party, qui aura lieu donc le 8 décembre au Salon des Orchidées. Je peux vous dire que les places, les préventes partent comme des petits pains, donc il faut faire très vite. Il y a plein de lieux de prévente, bien évidemment. Je vais en citer quelques-uns. Il y a le quai. Alors, il y a un numéro après le quai, mais je me souviens plus. C'est le quai 33. 163. Le quai 163 à 263. 263 à Tourcoing. Il y a le Méditerranée à Moucron. Il y a le Roubaigno à Waterloo. La Catita donc à Waterloo. L'Étac aussi à Waterloo. Je sais pas, Isévrine, au Palais des Sports. Enfin, si vous voulez en savoir un peu plus. Bowling des Alliés. Et le bowling des Alliés. Donc là, c'est. Alors, c'est où, rappelle-moi, c'est. C'est à Moucron, c'est Chaussée de Dottigny. Chaussée de Dottigny, voilà. Donc il y a plein d'endroits de prévente. De toute façon, l'info, vous l'avez sur notre page de la radio RLM. Vous aurez toutes ces infos. Faites vite, sincèrement, ça se remplit très vite. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Voilà. Donc en prévente, c'est 8 euros et le soir même, c'est 10 euros. S'il vous reste encore des places le soir même. Donc faites vite. C'est en prévente jusqu'au 2 décembre. En plus. Oui. Alors donc faites vite. Faites très, très vite. Marine, tu vas faire très très vite puisque tu vas nous parler d'une production, LSV Production. Oui, donc dimanche, on a eu l'occasion d'aller voir des projections de deux courts-métrages qui ont été faits par Lorenzo Vanne. Oui. Donc c'est un réalisateur autodidacte belge. Mm-hmm. Et donc il a fait deux courts-métrages, At the Edge et Un Autre Monde. At the Edge, c'est un film qui a été tourné à Bangkok et à Charleroi. Donc c'est un film qui est consacré aux arts martiaux, mais qui parle surtout de tout ce qui est découverte de soi, ben, combattre les peurs, toujours être son propre allié en fait. Et donc c'est un film qui a été fait avec Marc Stas et Lorenzo Vanne. Et le deuxième film qui s'appelle Un Autre Monde, il a été tourné en Belgique. Et c'est... Donc c'est en fait du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc est-ce qu'il faut vraiment faire confiance aux gens? Est-ce qu'il faut... C'est vraiment bien tourné. Et c'est aussi un film avec des zombies. Ah, le maquillage et tout, c'est vraiment super bien fait. Donc si vous voulez voir un peu plus, allez sur son site lorenzovanne.com ou bien sur le Facebook de Santiago Jean-Louis. Et donc pour tout ce qui est il fait les maquillages de zombies et tout ça, donc c'est vraiment bien fait. Alors j'espère qu'il y aura une séance de rattrapage. Il t'a maquillé pour aujourd'hui d'ailleurs. Merci Jean-Lacquette. Alors j'espère qu'il y aura une séance de rattrapage. Je vais poser la question. Non. Alors c'est pas impossible. Si. Ah bon, si. Oui, c'est possible. Mais après, c'est en préparation évidemment. Alors Lorenzo Vanne, on peut souligner que c'est lui qui a aussi réalisé le clip Le Funambule de l'insouciance de Thibauti. Voilà. Dans lequel tu étais. Et toi aussi d'ailleurs. Moi aussi. Toi t'es au bar. Moi j'étais au bar. Ça n'a pas changé depuis. Non, il faut le saluer parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on a. Enfin, toi tu le connaissais depuis plus longtemps, mais voilà. Lorenzo, c'est un gars qui a débuté mais qui a un talent fou. Alors les gens apprennent, mais lui il a un talent. C'est comme. S'il nous écoutait, c'est quelqu'un de très très humble. Mais voilà, comme Mozart a fait la musique, lui un jour il a pris un appareil photo, il a commencé à faire de la photo avec une très très belle danseuse qu'il appelle Cynthia et d'autres. Et il a commencé à être opéré, il est parti aux États-Unis. Voilà, c'est quelqu'un que je connais aussi personnellement comme Harry. Et je suis en relation avec lui souvent, et il fait vraiment des trucs très très sympas, mais ça devient comme c'est un pote pour terminer. On se dit, il fait des trucs sympas. Non, c'est que c'est, il est vraiment maintenant professionnel. Ouais. Il est d'un niveau, il fait Luc Besson de Moucron. Bah ouais, mais les sur lui, il y a eu un article, je l'ai plus, donc il y a un article qui est passé là sur le journal belge, sauf erreur. Oui. Je l'ai vu, c'est ça, derrière. Et en fait, c'est élogieux, mais c'est complètement lui. C'est on se dit, voilà, on va le mettre en avant et tout. Non, il est parti de rien, et puis maintenant, il faut voir les vidéos qu'il fait. J'ai un petit peu l'esprit sur les vidéos, les photos, il cartonne. Bien sûr. Puis vraiment le film Un Autre Monde, il y avait toute l'équipe qui était là et il y a vraiment une petite fille qui doit avoir 7 ans et vraiment ils sont tous, on voit qu'ils sont bien ensemble, c'est un groupe. Une famille très, très artistique là-dedans, voilà, ça leur appartient, mais on les connaît bien. Et voilà. En parlant d'artistes, Sherlock. Oui. Salut. Le moment de nous balancer un petit. Allez au pif, un petit Jamiroquai. Ah bah attends, ok, je vais te chercher ça. Tu peux le passer après. Non, mais il y a aucun problème, je vais te trouver ça tout de suite. Alors Jamiroquai, je dois avoir Little L, Love Philosophy, You Give Me Something. Little L. Little L, okay. J'aime bien Little L. Ça marche. Allez, Little L, et on revient tout de suite après ça. Si tu veux. Allez. We'll be right back. what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. You make me love you, baby, with a little L. There you were shouting out, cranking up your altercations, getting upset in your desperation, screaming and hollering. This love becomes our paper thin. You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? You make me love you, baby. Avec un grand A, Sherlock, non pas avec un petit A. C'est gentil. Comprendront ceux qui veulent comprendre. Comprendront. Comprendront ceux qui veulent comprendre. Tu comprends, Marine, pourquoi je dis ça? Voilà. Bah parce que c'est les paroles de la chanson de Jamiroquai. C'est Love with a Little Hell. Ouais. Voilà, l'amour avec un petit. Mais tu sais que Marine est complètement bilingue. Bah absolument, I am totally bilingual. Bilingual. Bilingual. Bon, je rappelle que ce soir nous sommes avec Philippe. Voilà, donc Philippe du cabaret, donc. Du Babylone Cabaret. Du Babylone Cabaret. Ouais, j'ai un trou, j'en ai plus qu'un, mais. Du Babylone Cabaret. Là, pour l'instant, c'est le trou normand, là, qu'il a. Qu'il soit dessus, hein. Bon, et, arrête, parce que j'ai reçu un message cette semaine avec le métier de proctologue. Je tirerai le nom de la personne qui m'a envoyé ce message, hein, mais merci. Bon, on va arrêter de parler de proctologue, on va parler du Babylone Cabaret, qui n'a rien à voir. C'est ça. C'est deux mondes complètement différents. Il faut dire qu'au quotidien, enfin, en tout cas, tous les week-ends, il s'y passe des spectacles, évidemment. c'est un cabaret. Mais là, en l'occurrence, c'est un bel événement puisque c'est le tremplin des talents. Ouais. Donc, il y a une présélection, rappelons-le. Voilà. Le 16 décembre à partir de 10h. À partir de 10h. Voilà, donc chacun vient avec soit sa gratte, soit avec ses effets pour faire son numéro. Ouais. Si vous êtes donc chanteur, magicien, transformiste, humoriste, jeune créateur aussi. Voilà, alors quand on parle de jeune créateur, c'est-à-dire défilé de mode. Ah ouais, ouais carrément. Ouais. Ah sympa. Je te guide parce que c'est ce qui est marqué sur l'affiche. Voilà. Voilà. Ah, okay. Donc c'est vraiment le grand tas de l'art quoi. Si vous avez vous savez faire des choses artistiques, et eh bien profitez-en. Et donc c'est à partir de 10h, il y a la première sélection et ensuite vous passez donc devant le jury à partir de 15h. À partir de 15h. Voilà. Voilà. Le jury aujourd'hui il est formé de professionnels. Oui. Des professionnels qui vont venir de Paris. Pas spécialement de Paris, il y aura aussi de la région, mais des professionnels, au niveau du chant, au niveau des magiciens, tout ce qui est artistique et tout ça. Donc il y aura vraiment des professionnels un petit peu à tout niveau pour pouvoir se permettre de juger au bon niveau de sélection. Et donc ça c'est la présélection, enfin c'est la sélection régionale. Il va y avoir une deuxième date, le 3 février. En sachant si je pense que tu me disais, excuse-moi, je te coupe, vas-y. Hors antenne, c'est professionnel, mais en même temps le jury sera aussi composé des personnes et du public qui pourra aussi mettre sa petite patte et son petit vote. Ça, c'est important. Oui, ça c'est important parce qu'il faut bien mentionner aussi que le public il pourra aussi voter. Ouais. Et ça, c'est super. Le public va avoir un siège qui se retourne. Voilà, donc parce que c'est des chaises, alors si je te dis pas si ça tourne, ça casse. Mais non seulement ils vont prendre forcément l'avis du jury, mais ils prennent en compte aussi l'avis du public. Ah bien. Voilà. Donc forcément. Mais attention, qu'on s'entend bien, c'est pas parce que une personne va venir avec 20 personnes que forcément ce sera elle. Oui, c'est pas l'audimètre. Voilà, ouais, voilà, c'est pas. Donc ce sera vraiment bien. Et donc ça c'est la sélection régionale. Tout ça pour gagner à la clé donc le 3 février pour pouvoir faire donc la demi-finale qui aura lieu donc à l'Artichaut. À l'Artichaut. Voilà donc l'Artichaut qu'on connaît d'ailleurs par l'intermédiaire de Sabine Paturel, oui, qui s'y produit régulièrement. Oui. Et ensuite, aura lieu la finale dans une grande salle parisienne le 7 avril. Voilà. Voilà. Et pour avoir à la clé, donc la trouve tout au bout de ce tremplin, une tournée courant l'année 2020. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, si on veut avoir plus d'informations sur cet événement, comment fait-on, Philippe ? Alors, c'est pas dur. On tape Babylone Cabaret. Vous allez avoir le défilé. Vous allez avoir l'affiche qui va apparaître. Tous les renseignements sont dessus. Il suffit simplement tous les lundis, téléphoner de 18h à 20h si vous voulez avoir quelqu'un au téléphone pour plus de renseignements. Et on va les guider correctement jusque pour le 16. Et bien sûr, nous, on va relayer l'information sur notre page Facebook. Donc le Babylone, si vous êtes devant votre Facebook, c'est B-A-B-Y-L-O-N-E. Et ensuite, cabaret. Babylone, cabaret. Je vois des prix. Donc, prix des places, 15€ pour les adultes. Enfants, 12€. 12 ans, 8€. Voilà. Il y a une boisson. C'est simplement les places. Il y a une non, c'est les places. C'est simplement les places aujourd'hui. C'est simplement les places. Bon, forcément, pour tous les artistes, pour eux, ne paieront pas forcément. D'accord. Oui, j'avais demandé, il n'y a pas de participation parce que certains. Comme le. Mais c'est bon à savoir parce que le mec est complètement naze, il fait rien du tout. Il dit ouais, il y a des gratos et je fais n'importe quoi sur ça. Qu'est-ce que vous nous avez fait rire? Non, moi je chantais. Ah c'était drôle votre chanson. Bon, en parlant de gens qui nous font rire, oui. Sherlock, petit coupeur musical et tu nous fais nos sorties sinoches. Oui, il n'y a pas de problème. On se retrouve tout de suite après Emma Bale et le son belge des Lost Frequencies avec le titre Run. Et on se retrouve tout de suite après. Ah bah c'est bien. Except for me. And I première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Eh oui, toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9. Et là, je vais vous parler des sorties ciné. J'ai commencé par les sorties en Belgique, qui sont également sorties en France d'ailleurs hier, avec le film Sauver et Périr. C'est avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier et Chloé Stéphanie. C'est un film de Frédéric Tellier. Donc c'est Franck qui est sapeur-pompier de Paris. Il est joué par Pierre Niney. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre et accepter d'être sauvé à son tour. Ah, c'est chaud. Ouais. Et l'acteur est très attachant. C'est celui qui a joué. Moi, je l'ai trouvé fabuleux dans le Edmond Sherlock, le film avec le grand couturier. J'ai plus son nom. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. C'est lui qui a fait Yves Saint Laurent. Je m'attendais pas à regarder ce film un jour dans ma vie. Et en fait, il est très très très très bon dans ce film-là. Ouais. Il est passé à TF1 récemment. Il est vachement attachant comme artiste. Ah, il paraît qu'il est très bon. Il est très bon. Il est super attachant. C'est un mec très très humble. Et d'un autre côté, dans Yves Saint Laurent, il est exceptionnel. Et il avait joué également avec Virginie Efira dans un film où elle avait une différence d'âge avec lui. Ça doit être ça. Ouais. Ensuite, il y a Robin des Bois qui est sorti hier, Robin Hood, avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Dornan. C'est un film de Otto Bathurst. Et, donc c'est Franz Balder, éminent chercheur. Non, c'est pas ça. Je me suis planté. Bon, bah tout le monde connaît l'histoire de Robin des Bois. Hein, c'est ça. Alors il remonte dans le temps. Et à ce moment-là, il apprend le copier-coller inversé. C'est ça. C'est la version de la semaine dernière. Bah, racontons l'histoire de Robin des Bois. Bah, c'est Robin de Locksley qui revient des croisades pour donner aux pauvres ce qu'il a volé aux riches. Ouais, d'accord, c'est pas mal. Ouais. Pendant que Richard Cœur de Lion est parti, on sait pas où. Bon fromage, ça. Ouais. C'est bon. Ouais, alors il y a des bonnes critiques et de très mauvaises critiques sur ce film. Ah ouais. Ouais. Comme tout le film. Forcément. On se retrouve tout de suite après une coupure où je fais tout de suite retrouver et vérifie les que c'est françaises. Le bon pitch parce que on est mal. Non, si c'est bon, le reste il est bon. Okay. T'as encore appris métallisé. Allez, on se retrouve. C'est ça. Alors, une boîte de ravioli et du sopalin. Allez, donc on se retrouve après Pascal Obispo avec son dernier titre Chante la rue chante. Ah, j'adore. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut se verrouiller la mâchoire? En silence à genoux devant ceux qui gueulent plus fort que nous. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir aux arrogants oracles? Qu'il fasse pour nous des miracles. Et nos cris restent dans nos gorges, au pays de Piaf et des rouges gorges. Chante la rue chante, c'est ta voix, elle t'appartient. Chante, allez, chante qui te hante, les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Depuis toujours. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut abandonner l'espoir? Au pays des 14 juillet et de Jaurès, regarde. t'écouter. RLM 107.9 FM. C'était donc Pascal Obispo avec Chante, la rue chante. Ça date de cette année, c'est son tout dernier titre. Alors, derrière la voix, me fait penser à une des voix qu'il avait utilisée, enfin qu'on entend dans les 10 commandements. Ah, c'est bien possible, ouais. Jenny Lynn, ou je sais pas quoi. Jenny Lynn, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Pas, quand on disait hors antenne, il a toujours quand même, on aime ou pas, mais il a une super écriture musicale. Oui, ouais, c'est clair. Il a une empreinte aussi. Il a une empreinte, ouais, non, mais c'est du Obispo, voilà. Bravo. Alors donc bah, moi je vais revenir sur les films, donc les films qui sont sortis en France hier avec le Grinch. Alors il y avait déjà eu un film avec Jim Carrey il y a quelques années. Là, c'est un film d'animation. Un film d'animation avec donc bah, dans les voix françaises Laurent Lafitte, Lior Chabat et Nicolas Marié. C'est un film de Scott Mosier. C'est pas vrai, on connaît pas, mais... Non, bah... Avec le balayeur, l'ingénieur du son. Mais... Et donc, c'est chaque année à Noël, les choux viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, c'est brillantes... C'est quoi des choux ? Les choux, c'est les habitants de Chouville. Ah bah oui, logique. Ouais. Ah, les choux, c'est les habitants, ça, ils s'appellent les choux. Avec leurs petits trucs. Ouais, c'est ça, ils ont une coupe spéciale. C'est quoi leurs petits trucs ? Bah, ils ont une petite coiffure spéciale dans ouais, le c'est ça, ouais. Ah bah non, je connais pas. Oh, si, si, ils ont une sorte de... Pas une sorte de choucroute, peut-être. Alors, c'est plus en Algérie. Quand les choux déclarent qu'ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité. Il doit voler Noël. Ouais. Et ouais. J'adore le pitch. Bah, c'est toujours le même, hein. Le Grinch c'est ça, hein. Donc ouais. Ça n'a pas changé depuis le dernier film. Ouais. Maintenant là c'est un film d'animation, donc on verra bien. Il paraît que les moyens qu'ils développent pour voler les trucs sont chiadés parce que ça a été fait par un studio français où ouais, il paraît qu'on rit beaucoup quand même. Ah oui. Ouais, c'est un truc assez c'est très très Jones et c'est pas mal. Et ensuite alors là c'est un film qui est sorti depuis le 31 octobre en Belgique, c'est le film Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, ouais, avec Mackenzie Foy, Keira Knightley et Morgan Freeman. C'est un film de Joe Johnston, donc c'est celui qui avait fait le premier film Jumanji. Oui. Joe Johnston. Et donc c'est Clara qui souhaite obtenir la clé qui ouvrira la boîte contenant l'inestimable cadeau de sa mère qu'elle lui a laissé donc avant de mourir. À la fête organisée par son parrain Drosselmeyer, Clara découvre un fil d'or qui la conduit jusqu'à cette précieuse clé. Mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C'est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d'un soldat nommé Philippe, d'une armée de souris et des souverains de trois royaumes, donc celui des flocons de neige, celui des fleurs et celui des délices. Pour retrouver cette clé et restaurer l'harmonie du monde, Clara et Philippe vont devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre qui vit dans le quatrième royaume, le plus sinistre d'entre tous. Mais tu confonds, c'est Claudine et Philippe, c'est pas Clara et Philippe. Bah en gros, comment on appelle justement le soldat, ça a un nom bien particulier là. Et oui, le casse-noisette d'ailleurs. C'est lui, ouais, c'est ça, ouais. C'est le soldat de bois en fait. Hein, oui. Non, non, c'est un nom bien aux États-Unis, c'est super connu évidemment. Je sais pas. Ça finit par Nut. Je crois que c'est Custer Nut ou quelque chose comme ça. Cluster Nut. Cluster Nut. Ness Knacker. Pardon, hein? Nesknacker. Ouais, non mais pas le Nesknacker. En néerlandais, voilà. Ou en d'accord. Anglais. Donc le ouais, c'est ça le casse-noisette. En allemand. Nuts c'est noisette et knacker c'est voilà, le fait de les claquer. Le Nesknacker. Voilà. Voilà. Et donc ouais, à la base, il casse des noisettes en fait avec sa bouche. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai connu. Non. Retirez-moi cette image tout de suite de la tête. Ça va pas du tout là. Ah, lui il casse des noisettes avec sa bouche. Il y en a un aussi qui cassait des noix avec ses fesses. Vas-y. Il casse des pastèques avec ses seins. Quoi, c'est vrai. Il casse des pastèques avec ses seins. Et d'ailleurs, Marine va nous faire la démonstration en antenne tout de suite. Des myrtilles. Dans la version d'Orsay, le des myrtilles. Bon, allez, on se retrouve tout de suite après un titre de Silo. Il rigole quand même. Il est tout content. Bah oui, un titre de Silo Green qui s'appelle Fuck You. Ah bah, tiens, allez, on y va. Said if I was ready. Alors, évidemment, je vous rappelle que vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur avec Marine. Ouais, oui. Je pensais pas que j'allais parler. Oui. T'as tes gnagnas soir ou quoi là? Bah non. Alors, avec Marine. Oui. Bah, qu'est-ce que tu veux que. Oui, avec moi. Super, canon. Ouais. D'accord. Avec Sherlock. Oui. Voilà. Et avec Philippe, évidemment. Oui. Voilà. Wow. Du Babylon Cabaret. Philippe, on te garde, hein. T'es meilleur que Marine. Et avec moi. Ouais. Alors, le Babylon Cabaret, tiens, Marine, si tu devais nous le présenter, tu le présenterais comment? Oui, alors ça se passe 142 Grand Rue à Moucron. Super, tu parles d'une présentation, ça se passe comment? Bah, ça se passe dans la rue. Non, c'est pas dans la rue. Non, mais il faut donner l'adresse. Oui, mais ça se passe comment? C'est quoi? Bah, c'est pour les jeunes talents, donc si vous êtes musicien, chanteur, interprète, ben, tous les talents, vous pouvez vous y rendre. Donc il y a un concours qui va débuter le 16 décembre. Ouais, à partir 10 heures. De 10h, voilà, voilà, donc c'est un véritable tremplin. C'est ça, et il y aura un deuxième concours à 15h30. Non, alors c'est la présélection à 10h. La présélection à 10h, voilà, la sélection vous êtes à 15h30. Voilà, présentation devant le jury à 15h. À 15h. Voilà, et deuxième étape. Voilà, donc ensuite ce sera le 3 février. Oui. Et puis le 7 avril. Alors le 3 février, en fait, ce sera toutes les régions qui vont se rejoindre à l'Artichaut, à Paris. Voilà. Chez Michou. Voilà. C'est chez Michou. C'est chez Michou. Non, c'est dans le même coin, mais c'est pas chez Michou. Hein. C'est rue des Martyrs, Ça s'appelle Michou. Ah, c'est pas chez Michou à l'Artichaut. Ah non, mais c'est dans le même coin. C'est dans le même coin. Non, c'est toujours Michou, ça existe toujours, ça existe, je peux te garantir. Ouais, je l'ai séparé, mais Michou, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours, et c'est à l'Artichaut. Et en fait, à l'Artichaut, donc vont se rejoindre tous les ceux qui ont été sélectionnés en région. Voilà. Et la finale se fera dans une grande salle à Paris. Le 7 avril. Absolument. Et l'objectif, évidemment, c'est une tournée en 2020. Et ben voilà. Ceci dit, j'aimerais faire un petit rappel. Que, éventuellement pour les gagnants, tant mieux pour eux, mais pour ceux éventuellement qui ne gagneraient pas et qui iraient en demi-finale, il faut savoir que là-bas il y aura des personnes assez importantes, des célébrités, tout ça, qui peuvent éventuellement être repérés. Oui, voilà. Donc, c'est pas parce que malheureusement ils n'auront pas gagné le concours, mais ils peuvent gagner autre chose dans le sens où ils sont repérés, ils peuvent être pris en main par X personnes et éventuellement. C'est aussi une façon de gagner quelque chose. Bien sûr. La tournée à la fin sera composée de combien de personnes? Parce que je m'explique dans ma question. Un humoriste, un créateur de mode, oui. Un chanteur. La tournée va s'organiser comment? Parce que les gens quand ils vont venir écouter soit un groupe, soit ça sera vraiment des catégories. C'est des catégories. Hein. C'est oui, des catégories. Oui, donc les chanteurs catégories. Vont se retrouver ensemble à un moment, faire une tournée en tant que chanteur. Voilà. D'accord. Après, si c'est des artistes, des magiciens, des jongleurs, X. Là, X, ça va il être... y a aussi des artistes ah, X. Non, forcément. Mais là, ça va être avec bien spécifiquement avec des artistes qui vont faire une tournée. D'accord, d'accord. Ouais, okay. Alors, mais déjà, rien que le plaisir de monter sur scène, parce que nous qui sommes passionnés, rien que le plaisir de monter sur scène, de se produire, ne serait-ce que au Babylon Cabaret, c'est déjà une bonne chose. Ah oui, oui c'est déjà bien. Une belle expérience. Partagez voilà. Vos amis artistes, parce que j'enchaîne, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans la mesure où, on ne peut pas dire être grossier, mais c'est un moment, c'est bougez-vous le cul. Il y a beaucoup de gens qui disent toujours, on n'arrive à rien, alors qu'on voit sans arrêt des talents. Ils se disent, oui, mais ça, en ce moment, il n'y a pas... Bon, The Voice, tout ça, c'est bien beau, mais enfin, il y a moyen au niveau local de se faire repérer. Et si vous ne faites pas repérer, déjà, comme tu disais, de se faire plaisir. Bien sûr. Et puis, il y a que celui qui, pendant 3-4 ans, se fait repérer, commence à bouger, à faire son faisceau de contact, on a 22-23 ans, pour arriver à 26-27 ans, commencer à faire des scènes, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le Nord, on a beaucoup de talents. Des bons talents. Absolument. Alors justement, comme c'est le problème il se pose, c'est que c'est pour aller sur Paris, c'est pas toujours évident pour eux. Donc là, ils ont la chance pour une fois que c'est Paris qui vienne à eux. Bien sûr. Donc c'est une opportunité. Véritable aubaine. Et voilà. Il faut en profiter. Donc c'est le 16 décembre à partir de 10h. On se fait une petite coupure musicale et puis après on se fait la bise. C'est ça. Allez. Cecilia Creul avec My Life is Going On, c'est tiré de la série La Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel. Si. Ah, oui. Claro que si. Moi, je crois que Marine regarde, elle. Non, ça, j'ai jamais vu non plus. Ah, d'accord. C'est Netflix, je crois. Ouais, c'est une série. Alors, on rappelle évidemment, parce qu'il nous reste à peine une poignée de secondes pour rappeler qu'il y a ce fameux tremplin. Alors, Philippe, si tu devais vendre le tremplin qui va avoir lieu au Babylon Cabaret, tu dirais quoi en trois mots? En trois mots, je dirais ratez pas votre chance, c'est une aubaine. Ça fait plus que trois mots, ça, quand même. Hein. Ouais. Alors, vous avez toutes les infos sur Facebook, évidemment. Oui, on va les relayer. Donc, de toute façon, sur le Babylon, vous tapez donc Babylon Cabaret sur Facebook directement. On va vous relayer l'affiche. Je ne sais pas si tu en as une, on prendra une photo. Oui. On vous le relayera sur la page 120 au compteur et sur RLM Radio. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur la page Babylon Cabaret, vous retrouverez toutes les infos éventuellement. On partagera tout de toute façon pour relayer l'événement. Relayer. Nous allons, toi, savoir. Elle se moque en plus maintenant, moqueuse. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Hein, oui. On va se faire une grosse baisse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, on parlera de Marrakech. Oui, j'allais dire. Je vous propose de parler de Marrakech, ça tombe bien, je ne serai pas là. La semaine prochaine, on va en parler. En tout cas, évidemment, d'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute de RLM. Et puis, n'hésitez pas à nous balancer vos coms sur notre page 120 au compteur, ça ferait bien plaisir. Et puis, salut. Ciao, bye. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci à tous.